le vieux glaive du juge à la nuit pour fourreau. Le tribunal ne peut, de ce fourreau livide, tirer que la douleur, l'anxiété, le vide, le néant, le remords, l'ignorance et l'effroi, qu'il frappe au nom du peuple ou venge au nom du roi.